Il a du geste éteint quelques commutateurs. Les lampes ne sont plus que pâles, lumeurs bleues. Plus perceptible maintenant, le chant de l'orchestre là-bas. Et dans ce chant, dans cette ombre, Eva. Étouffe-moi, oui, dans tes bras. Je me sens être entre tes bras tout ce qu'on n'est pas, qu'on n'est jamais. C'est toi que je touche, c'est moi. C'est ton épaule, c'est la mienne. Je ne sais plus ce qui est toi, ce qui est moi. Je ne sais plus ce que je suis, je ne sais pas ce que tu es. Tiens-moi bien, ne me lâche pas, nous sommes tous les deux dans la nuit, sans lumière. Étouffe-moi, j'ai dit, dépêche-toi, tue-moi, vite, je ne veux pas retomber dans la vie. Ah, c'est déjà trop tard, il n'est déjà plus temps. Je n'ai plus envie, méchant, d'être morte. Les lampes remontent doucement. Où suis-je? Qu'ai-je dit? Tu n'as pas entendu? Dis-moi que tu n'as pas entendu, jure-moi! Et lui couvrant brusquement la bouche de la main. Non, tais-toi, non, tais-toi, tais-toi. Je suis décoiffé, je suis laide, laide quand je suis décoiffé. Embrasse-moi. Si tu savais comme je m'ennuyais sans toi. Je ne savais quoi faire de moi, ma force, mes dons m'étouffaient, ma beauté, mes tristes trésors. Et maintenant, voilà, je t'aime et tu es là. Et comme Félix est sans masque maintenant, elle examine curieusement, avidement, ce visage qu'elle découvre. Regarde-moi. C'est toi, oui, c'était toi, tu es venu. Où étais-tu, que faisais-tu, quel est l'inconnu qui te m'a prise? Comment t'appelles-tu, mon amour, aujourd'hui? Et toi, fraîcheur, qui es-tu? Tu me le diras. Et dans ses bras. Ils sont très bons, tu sais, pour moi. Qui? Mes amis. Ils sont tout petits soins pour moi, ils se mettraient au feu pour moi, mes parents aussi, ils m'adorent, si tu savais comme ils m'ennuient. Tout est une affaire pour eux, le déjeuner est une affaire, ils se bougent la vie avec des fariboles. Et mon mari, pauvre garçon qu'on ne voit pas lire le soir devant des cours de bourse, il juge, il tranche, il prouve, il paiera. Un enfant, je lui répète tout le temps que je ne suis pas faite pour lui, ne m'écoute pas. Il croit qu'il est heureux, que nous sommes les gens les plus heureux du monde, il est beaucoup plus à son aise avec ses amis qu'avec moi. Embrasse-moi. Tu es bien là? Tu n'as pas froid? Tu n'as pas faim? Si tu as faim, dis-moi que tu as faim. J'ai faim si tu as faim. Tu as faim, tu as faim, tu meurs de faim. Lui, je vais... Non, moi, c'est moi. Ne me prends pas ces gestes-là, ils sont à moi. Ces gestes-là, les gestes du bonheur. Battre la pâte à crêpes, passer les plats, pousser la table à terre roulante, découper. Laisse-moi être ta servante. Elles en ont de la chance, les servantes. On ne les dérange pas d'aimer. J'attends vos ordres, mon Seigneur, vos désirs, mon Seigneur. Une pêche, un sorbet, un baiser, mon Seigneur. Une musique de ta voix. Une amende, il y a des amendes. Un vœu, fais un vœu. Ne ris pas, c'est sérieux, chérie, les vœux. Tu ne crois pas aux vœux qu'on fait en ouvrant sa première amende? Écoute, tu es impossible. Enfance retrouvée, l'amour, cette autre enfance, elle embrasse-moi. Lui, tu ressuscites un goût d'enfance et de vacances avec ta voix. Le monde est rafraîchi, renouvelé, béni. L'arbre a repris de la hauteur. Tu vois cette belle hauteur des arbres d'autrefois quand je croyais que c'était eux grands éventails qui soufflaient le vent, me chassaient. Elle, tu croyais toi aussi, l'arbre est l'arbre à présent et les fruits sont les fruits, regarde ces raisins. Elles, ils sont bleus, tu as vu? Au goût aussi mort, ils sont bleus. Lui, oui, n'est-ce pas, au goût aussi. Tu as senti? Tu sens tout comme moi, tu vois tout comme moi, tu vois ces arbres comme moi et ces étoiles comme moi. Je ne suis plus toute seule avec moi, pauvre chou. C'est à toi ou à moi que tu dis, pauvre chou? Je ne sais pas, c'est à nous deux. Je suis heureuse, heureuse, heureuse, tellement heureuse que je suis presque malheureuse. Embrasse-moi, il manquait à ma vie un but, je l'ai trouvé, je vais tout trouver, te rendre heureux. Je ne vais plus penser qu'à ça, te rendre heureux. Lui, délivrance, arrivée, havre de grâce, et elle, amour. On leur dira? Tu crois qu'il faudra le leur dire? Je suis pas une femme qui ment. Qu'est-ce que tu crois? Ils ne comprendront rien. Ils tomberont des nus. Pauvre papa qui me croyait inaccessible. Ils devraient nous donner leur maison, leur jardin, pour ce qu'ils en font, pauvres gens. Ils ont beaucoup de choses, mais des choses belles aussi, je les arrangerais, tu serais très bien, j'arrange très bien les maisons. Vivre, ça, je sais, tu verras. Une bavarde, excuse, mon chéri, je peux parler. Non, toi, tais-toi. Mon mari sera fou, il fera des discours, il voudra divorcer, il sera malheureux. Il se débrouillera, hein, tant pis, c'est le destin. Hein. Qu'est-ce que tu feras? Tu m'épouseras? Tu n'as peut-être pas envie de m'épouser? Non, tais-toi, tais-toi, non, je ne veux pas savoir. Tu es peut-être aussi marié. Les hommes bien sont toujours mariés, c'est même à ça qu'on les reconnaît, et mal mariés généralement. On devrait faire attention, être plus soigneux en amour. Tous ces hommes qui n'y voient rien, qui veulent toujours épouser, qui ont toujours si mal choisi, ne me dis pas. Tu as sûrement, tu vois, une affection quelque part, une petite, elle est jolie. Qu'est-ce que nous allons en faire? Faut pas être méchant, pauvre petite. Embrasse-moi. Et maintenant, je peux parler? Non. Tu as un métier aussi, bien entendu. Lui, le plus beau des métiers. Je suis... Ne me dis pas! Il n'y a pas de beau métier, ce n'est pas vrai. Tous ces hommes qui ont des métiers, qui n'ont jamais le temps de rien. J'aime les hommes en matière première, authentique, pas fabriqué. Ne me dis pas! Et elle lui remet son masque. Je veux t'aimer comme je t'aimais quand je ne te connaissais pas. Tu n'as pas de métier, tu n'es pas marié, tu m'aimes, tu n'aimes que moi. Tu seras toujours là, disponible, vacant, tu ne voudras jamais me faire du chagrin. Quand tu m'auras fait du chagrin, par distraction, par erreur, ce sera toi qui reviendras me consoler. Tu ne me feras pas consoler par un autre. Et puis quand tu ne m'aimeras plus, tu m'apprendras à ne plus t'aimer. Ça n'arrivera pas d'ailleurs, l'avenir, ça n'existe pas. Emmène-moi danser maintenant. Lui danser, oui. J'ai besoin maintenant de lumière, de gens. Comment te répondrai-je au milieu de ces gens? N'avons-nous pas de graves choses à nous dire et des décisions à prendre d'importance? Tu viens de me poser de graves questions, elle. J'étais folle, laissons tout ça. Tout ça ne veut rien dire, au fond. Allons danser, je ne te connais pas, je ne sais rien de toi. On s'est rencontrés par hasard. Qu'est-ce que tu as d'extraordinaire? Tu n'en sais rien. Et moi, qui suis-je? Que crois-tu? Tu n'en sais rien non plus, tu sais rien du tout. Tu es un monsieur comme tout le monde. Qu'est-ce que nous allions faire là? Ça en aurait été une affaire, hein, tu vois ça? Je t'aurais joliment embarrassé, à vous, pauvre chou. Viens danser, emmène-moi danser, et on se quittera, on se dira adieu. Mais je t'ai fait peur à toi. Je t'ai laissé parler, je suis resté muet, tu as douté de nous, je t'écoutais trop bien. Je t'ouvre de bonheur. Oui, je suis libre, et mon métier, tu peux m'en croire. Allez, écoute, écoute, tu entends? Carianne, tu entends? Il est divin, cet homme. Elle l'enlace et l'entraîne à danser. Comment peux-tu tenir en place avec ce rythme? Attention, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas le rythme, voyons, tu n'y es pas du tout. Tu me conduis très mal. Elle le quitte boudeuse. Mais ce sont tes bonds de chèvre vive qui me déconcertent le cœur. Tes brusques sautes de pensée. Ah, il faut m'accepter multiple, éparpillé. Je ne veux pas être la même à toutes les heures. Ça m'ennuie de me ressembler. Je veux pouvoir passer d'une idée à une autre et quand je viens d'être trop grave, être frivole. Frivole, oui, oui, frivole. Je veux être frivole. C'est toi qui parles ainsi. Je veux aller danser. Mais tu vas aller danser, mais entends-moi d'abord. Tu n'es pas curieuse un peu de qui je suis? Tu ne veux pas savoir? Je veux aller danser. Pourquoi fais-tu l'enfant? Elle contraint toujours. Mais sois raisonnable, allons, assois-toi là. Danser. Tu danseras plus tard. Écoute-moi, tais-toi. Connais du moins mon nom. Tu ne veux pas mon nom? Philippe Lemellier. Elle bavarde. Mais ce nom peut-être. Oui, tu es un peu plus rassuré. À présent, je peux parler. Entends-moi donc. Tu es la grâce et le miracle de mes rêves. Je n'ai rien attendu, voulu, cherché que toi. Ce nom, fruit d'un tenace et patient effort, d'un peu de chance et d'une grave ambition, ma tendresse allait te l'offrir quand la tienne m'a devancé. Adopte-le, qu'il soit le tien comme le mien. Moi aussi, j'étais seul avant toi. Mes succès ne me laissaient qu'un goût de cendre et de fanure dans la bouche et ne faisaient qu'appesantir ma solitude et mon ennui. Tu as chassé l'ennui, chassé la solitude, illuminé ma route et fixé mes destins. Viens être mon témoin, la couleur de mes jours, ma raison d'être, mon climat, ta régulière. Oui, de quel ton? Et tu me brimeras, tu me régenteras, tu m'empêcheras de danser, tu voudras que je sois ce dont tu as besoin et rien de plus. Ce cœur soumis, obéissant, ce compagnon tiède et discret que vous aimez, que soit la femme à la maison. Tu me jureras que tu m'aimes et me reprocheras d'être ce que je suis. Tu voudras me changer, m'imposer tes idées, ton monde, tes amis, ta mère, des gens qui ne me seront rien. Et cette aigreur, ce regard sans bonté tout à coup, qu'ai-je dit, qu'ai-je fait? Ta voix n'est plus ta voix, je ne reconnais plus tes yeux. Qui es-tu donc? Qui ai-je devant moi? Elle veut fuir. Où vas-tu? Il la saisit par le poignet. Reste ici! Elle, oh! Oui, oui, j'ai tort. Je suis brutal et maladroit, excuse-moi. C'est que tu me fais peur, c'est que tu me fais mal. Et nous aussi, devions-nous donc nous déchirer? Dis-moi que je m'égare, que tu veux m'éprouver, que tu n'es pas cette mauvaise, inconsistante, versatile, elle si, mauvaise, impossible, absurde. Oui, je suis ça. Tu me l'as dit, c'est vrai, tu l'as pensé, c'est vrai. Laisse-moi donc aller, pourquoi me retiens-tu? Elle tâche à libérer son poignet, ils se battent. Philippe, que nous arrive-t-il? Où avons-nous buté? Sommes-nous fous? Je te défie de retrouver un semblant de raison valable à cet orage, que la fatigue, que les nerfs, des mots qui passent la pensée, un choc trop vif. Nous étions là, je te tenais entre mes bras, le bonheur était là, le monde était léger. Reviens t'étendre entre mes bras et dissipons ce cauchemar. Retrouvons-nous, et non, lâche-moi, va-t'en. Je ne veux plus t'aimer, ça fait trop mal d'aimer la sinistre aventure. Aimer, c'est se démettre et se perdre, va-t'en, lâche-moi, tu entends. Tu me fais mal, sauvage. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Mon déplorable choix. Je dis, tu as des mots cruels. Il lui lâche le poignet. Il suffit, va danser. Je danse mal, moi, tu sais bien, tu trouveras là-haut danseur, plus à ton gré. Restons-en là, séparons-nous, et sois heureuse à ta façon, là où tu vas. Je n'y manquerai pas, je te déteste, lui, adieu. Mais lui barrant le chemin, n'est-il rien cependant, avant de nous quitter, que je puisse faire pour toi? Dois-je te reconduire aux portes des salons? Préfères-tu que je m'en aille et t'abandonne ici la place? Est-il un cavalier là-bas que tu aimerais que j'appelle? As-tu besoin de quelque chose, de quelqu'un? Je peux passer bouton, tu as vu ce tableau? Faire surgir à l'instant même une habilleuse, un philosophe, un coiffeur, un barman, un poète, un bouffon. Peut-être qu'un bouffon. Elle s'écroule en sanglots. Qu'as-tu? Qu'y a-t-il? Dis! J'ai froid. Tu as froid? Oui. Il veut l'envelopper de son manteau, elle le rejette. Ce vêtement sur toi, non! Lui, ce doigt d'alcool, non! Ce larme, ce sanglot, tu te feras du mal. Comment, si fière et si brillante tout à l'heure, as-tu pu devenir soudain cette toute petite fille? Explique-moi, dis-moi, je sais pas, moi, dis! Je n'aimais que l'amour, et ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on veut que je devienne? Il était là, l'amour, c'est toi qui le bafoue, qui le récuse, qui le nie. Non, tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas m'aimer, il n'y a que nos mères qui nous aiment. Ma mère, elle aimait tout de moi, mes ongles, mes cheveux, mes dents. Toi, tu es trop méchant. Méchant, tu es trop bon et trop méchant. Je le sais bien que je vaux moins qu'il ne me paraît, que ma robe ne fait plus jolie que je suis, que tu m'aimes et ne m'aimes guère, que je t'amuse et que je te lasse, que je te plaise et que je te déplaise. Que dis-tu là? Mais c'est cela précisément qu'il ne fallait pas que je sache. On me détruit en me disant du mal de moi, je le crois trop facilement. Mais folle, ah, je voudrais bien. Pas assez folle, hélas. Mais quand ai-je dit du mal de toi? C'est toi qui m'as lancé les mots les plus cruels, dit les mots les plus durs. Tu les pensais, ces mots? Pourquoi les as-tu dit? Si tu le sais, dis-le. C'était pour essayer de te regretter moins. De me regretter moins? Tu voulais me quitter? Oui. C'était vrai que tu voulais me dire adieu? Me quitter dans ce bal et là me dire adieu? Ne devons-nous pas tous ici nous dire adieu? N'est-ce pas le jeu, cette nuit? Qu'il faille avoir tout consommé, le commencement et la fin, avant que se lève le jour? Lui, le jeu? Le jeu? Tu joues? Tu étais dans un jeu? C'était un jeu que ton baiser, que les choses que tu m'as dites? Je ne distingue jamais bien où commence la vie et où finit le jeu. Et tu ne sais pas quand tu dis vrai, quand tu mens? Pas très bien, non. Il n'était pas un mot de toi qui ne m'enivra tout à l'heure. Il n'en est plus un maintenant qui ne me donne le vertige. Ainsi, tout ne fut donc que songe et que mensonge. Pas un instant tu n'as pensé que ton baiser nous engageait au-delà du bruit d'une fête et du caprice d'une nuit. Tes yeux mentaient, ta voix mentait, tes bras mentaient, elle mentait, ta chair, il mentait, ton baiser. Je ne sais pas, j'étais heureuse. Heureuse et résolue et prête à me quitter. N'est-ce pas quand on est heureux qu'on devrait savoir se quitter? Avant les luttes, les querelles, avant le désenchantement? Après, tu vois, on est trop faible, on ne peut plus, on est trop emmêlé. C'est un arrachement. On devrait se quitter comme on s'était choisi, légèrement. La solitude alors pourrait se reformer, les tristesses revenir. On saurait que l'amour existe. On ne pourrait douter de lui, puisqu'on l'aurait connu parfait. Puis se séparer en s'adorant, elle serait été moins difficile cette nuit, puisque l'on nous offrait la chance cette nuit d'être ces modèles d'amants, de donner à tous les amants un exemple parfait de rupture idéale. N'avait-il pas été d'avance convenu que les couples, le jour venu, se désenlaceraient sans cesser de sourire, lui, et se diraient adieu sans soulever leur masque? Oui, tu voulais partir sans m'avoir dit ton nom, t'évanouir avec la nuit, sans me laisser aucun moyen de te revoir? N'aurait-ce pas été te faire un grand cadeau, le plus somptueux des cadeaux que puisse vous faire une femme? T'avoir rendu songe à ta vie, à l'aventure de ta vie, à tes succès, à tes échecs, à tout ce dont tu as besoin, aux autres femmes, Il n'en est plus pour moi qu'une au monde à présent. Aujourd'hui, mais demain. Demain comme aujourd'hui, toujours comme demain. Rien n'a de prix que ce qui dure. La grande ambition des hommes, tu sais bien, c'est de fixer l'amour, de capter la féerie. Pour les femmes aussi, mais c'est si difficile. J'aime le difficile, tu l'aimes trop. L'homme et la femme, y penses-tu? Lui, le seul refuge. Il n'est de paix que celle-là, d'avènement que celui-là. Tu crois? Pas toi. J'ai peur. Peur de moi? Eva, peur de nous. J'étais coquette, tu sais, j'en ai trop mis. Je ne suis pas si bien que ça. Tu t'en apercevrais. Et alors, tu vois ça? Que deviendrions-nous tous les deux, pauvres choux, quand mes prestiges, mes parures, ma gaieté que je force un peu, mais qui me paraît naturelle si je sens que je suis jolie et que je plaise autour de moi, n'aurait plus de prise sur toi? Quand tu serais venu à bout de me connaître et m'aurais tout à tout jamais déshabillé. Tu t'ennuierais auprès de moi, tu appellerais au secours la vie que tu croyais m'avoir sacrifiée, elle te répondrait, elle répond toujours. Il te faudrait ruser, te cacher et mentir, tu n'aimerais pas ça, tu me mentirais mal. On ne ment bien qu'à qui on aime. Je serais toujours tout en même temps que toi, je me révolterais, nous nous déchirerions, affreux combat, où tous les coups qu'on donne à l'autre, on les reçoit en même temps, se battre contre son amour, c'est se battre contre soi-même. Et il n'y aurait plus que misère et malheur. Plus me crois-tu ce pantin, ce fou? Tu es un homme. C'est si méchant, si bête, un homme? Non, c'est trop simple. Ah, voilà donc. Eh ben, je suis exigeant, tu sais, Philippe, pas assez, pas assez. Tu ne peux l'être assez. J'ai beaucoup de progrès à faire, je le sais, mais je m'appliquerai, je me corrigerai. Tu m'aideras, nous devrions nous entraider. Je suis lourd, n'est-ce pas, c'est cela? Dis-le-moi. Je suis systématique, intransigeant, buté, je suis triste, ennuyeux, je suis... Tu es charmant, plus clair que moi, plus sûr que moi, meilleur que moi. C'est moi qui ai beaucoup à apprendre de toi. Je ne demanderais pas mieux que te suivre et que t'obéir, préférer l'autre à soi. Quel repos ce serait, mais je suis difficile, ombrageuse, rebelle. Il faudrait me guider, mais toujours dans mon sens, me diriger sans que je sente qu'on me mène, avoir raison sans que je sache que j'ai tort. Les contraintes me tuent, lui je sais, me laisser vivre, être fantasque, être coquette, être coquette. Est-ce qu'une femme qui n'est pas coquette? Écouter quelquefois d'autres hommes que toi. D'autres hommes? Tu vois, tu te cabres déjà. Comment connaître sans cela le prix de ce que je te donne? N'y suffirais-je pas? Vérification? Ne risquerais-tu pas à ce jeu-là? Et puis, de m'égarer un peu? Eh bien, la belle affaire. Je ne veux pas d'une vie trop mesurée, trop sage. Être trop sage, ça fait vieux. Je ne ferai jamais rien de bien mal. Et tu crois? Je suis très raisonnable, au fond, je me connais. S'il arrivait pourtant que je te vois... Sait-on? Elle courir à l'abîme? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait m'y laisser courir et me rattraper sur le bord. Lui, dangereux? Si j'allais te rater sur le bord, Eva, tu ne serais plus toi, ce serait de ta faute. Lui, on peut n'être pas là, il faudrait être là. L'absence, tu sais bien, ce n'est pas supportable. On me détruit en me quittant. Philippe, c'est que mes fonctions, j'ai un poste, tu sais. Ton métier, oui, bien sûr, ton métier, pauvre chou. Tu vois, je t'avais dit, c'est impossible les métiers, j'avais raison. Que ne m'écoutais-tu? Les femmes savent mieux, mais il n'est pas trop tard, peut-être. Tu entends? On va faire beaucoup de l'orchestre. Allez danser. Mais non, si, fais ce que je dis. Je ne peux pas, tu vas pouvoir. C'est dur aussi, tu sais, pour moi. Aide-nous, viens. La nuit est douce et tu m'as dit que j'étais belle. Il va faire joli là-bas. Nous danserons. Tu me diras des choses tendres en dansant. Tu me serreras fort dans tes bras en dansant. Le jour se lèvera, les lampes pâliront. Je te dirai tout étourdi. Adieu, chérie. Je suis heureuse. Merci pour les baisers et merci pour les mots. Le souper, les parfums, l'arbre, la nuit d'été. Tout était parfait. Toi aussi. Je sourirai, tu me feras un petit geste de la main, Non, fais ce que je dis cette fois-ci, chérie. Dépêche-toi, prends-moi par la taille et courons. Ce que je te reprends, ce n'est pas mon amour, c'est ma vie, seulement ma vie. C'est ta vie que je veux, de ta vie que j'ai soif. Elle t'encombrerait, tu as besoin de toi. C'est lourd une femme, tu sais. Tu t'en iras de moi, le cœur très gros, bien sûr, mais tout de même, tu verras, assez content, un peu fier même, fier de m'avoir tellement plu. Tu t'en retourneras plus fort aux affaires de ton métier. Mais mon métier, ce n'était que la tombe de toi. Je n'ai voulu sur moi l'attention des hommes que pour surprendre un jour la tienne et tâcher de la retenir. Veux-tu que j'y renonce à mon métier? Veux-tu? À ton métier, ta vie est un miracle unique et qui vaut bien qu'on s'y consacre tout entier. C'est ravissant que tu y aies pensé. Mais c'est ça qui serait la catastrophe, alors. Un homme comme toi, non, tu vois ça, quitter, lui, un monde de projets, un programme géant, oui, tout, si tu voulais, demain, si tu voulais. Si j'étais mauvaise, hein, et te prenais au mot. Tu n'aimerais pas ça, peut-être, qu'on soit pauvre. Elle, avec toi, si, j'adorerais. Pauvre, on est plus léger, mais lui, on pourrait partir. Partir? On partirait? Oui. Ce monde est manqué, les hommes l'ont manqué. Il te ressemblerait s'il l'avait réussi, il lui aurait donné ton style, ta fraîcheur. Veux-tu tout oublier, renaître à nous, partir, recommencer la vie? Il va la recommencer où, lui? Ailleurs. Il reste encore un ailleurs, tu crois, toi, Jean Cézin, le dernier. Qui trouve-t-on? La paix, une plage, des fleurs, le silence, la mer. Ne me tente pas trop, prends garde à toi, lui veux-tu? Qu'est-ce que tu ferais là-bas, mon pauvre chou? Une femme, l'amour lui suffit, mais un homme. Tu t'ennuierais seul avec moi, sans ennemis, sans amis à mettre au pas. Philippe, je chasserais le lion. J'aime les hommes de plein air. Et puis, tu m'aimerais, qu'est-ce que tu ferais? Tu me caresserais, et puis, tu me prendrais, oui, tu serais content. On serait gay, la vie à deux doit être gay, on rirait, on se ferait rire. Heureuse, tu verrais, j'ai un charme. Oui, on fait ça. Tu veux ça, toi? Et toi? Dis-toi d'abord, non, toi. Moi, je veux si tu veux. Et moi, si tu veux, toi. Dis si tu veux, veux-tu? Eh bien, tu me grilles, chérie. Lui, je t'emporte, c'est dit, on s'en va tous les deux. Ce serait ça, chérie, la vraie preuve d'amour. Tu veux ça? Oui, tu es bien sûr que tu veux ça. Tu ferais ça, c'est vrai, tu ferais ça, Philippe. C'est fait. Ton masque, ton manteau. Mon masque, mon manteau, nous ne nous quittons plus, on s'envole, on s'évade, on tranche toutes les amarres, on place ton monde et le mien en face du fait accompli. Je n'ai plus de passé, tu n'as plus de passé. Allons, à présent, oui. Pas à présent, chérie. Pourquoi? Rien à présent ne nous retient ici. Elle, attendons qu'il soit jour, achevons notre nuit. Elle est si belle, notre nuit. Lui, regarde. Dehors d'aube à travers les branches. Et va. Où? Là. Quoi donc? Le jour. Et va avec une sorte d'épouvante. Le jour, le jour. Philippe, il te fait peur, le jour. Comme il est venu vite. Lui, trop vite pour cela qu'il sépare là-bas, mais pas pour nous. Pour nous, aujourd'hui, tout commence. Allons, tout à présent va se défaire ici. Elle, un instant, vois comme je suis faite. Va d'abord, toi, tout préparer. Lui, je peux d'ici. Non, va d'abord, si je préfère. Ne me contrarie pas, tu sais comme je suis. Lui, soit. Je vais repérer les abords et reviens. Et va vivement. Tu ne m'embrasses pas? Il la prend dans ses bras, étreinte silencieuse. Et comme dans ce silence est redevenu perceptible le chant de l'orchestre lointain, elle esquisse, entraînant Philippe dans ce mouvement, un pas de danse. Mais soudain, elle dit « Quelqu'un !» Philippe la quitte, elle se remasque. Et il dit « Qui se permet ?» Survient André. Il a passé sur son smoking un par-dessus de ville, coiffé un chapeau de ville, il a des télégrammes dans les mains. André, un mot, Vereva, pardonnez-moi. Philippe Durmov, toi laisse-nous, va-t'en. André, il faut que je te parle un instant. Inutile, c'est important. Possible, il ne m'importe pas. André Averel, obtenez s'il vous plaît, madame, qu'il m'entende. Et va écouter ce qu'on veut vous dire. Je suis là. Elle se glisse sous la tente dont la draperie retombe sur elle. Philippe, t'en iras-tu? André, tu penses encore à cette histoire ridicule. Nous nous sommes conduits comme deux galopins. Je prends la moitié de nos torts à mon compte, un peu plus si tu veux. Philippe, il s'agit bien de toi. Tu sais déjà quoi? Lis. Il lui tend les télégrammes. Ne fais pas l'enfant, lis! Philippe se détournant, inutile. Je pars. Quoi? Je quitte l'Europe. À présent, à l'instant. Je te lègue mon poste, il est vacant. Tu dis? J'enlève cette femme. Il suffit. Pas un mot. Je le sais par Dieu bien que c'est une folie. J'aime être fou, je veux être fou, je suis fou. Alors, veux-tu lire à présent? Philippe prend malgré lui la liasse des dépêches et il laisse tomber un regard qui se voudrait indifférent, et il pâlit tout à coup. Ils ont osé. Tu vois, rien ne les fera plus reculer à présent. Tu vas être occupé. Il lui rend la masse de télégrammes. En fait, tu pars toujours, sans doute, en un pareil moment, nous lâcher, j'ai promis. Que ferons-nous sans toi? Vous vous débrouillerez. Appelle cette femme, explique-lui, dis-lui. Impossible. Et c'est non. J'ai promis, je te dis. En vrai, c'est elle qui, mise au courant, refusera de s'en aller. Lui, tu crois? Pour peu qu'elle ait de cœur et de raison. Tu crois? Et c'est... Attends-moi là. Il se dirige vers la tente. À ce moment s'élève lointaine dans la nuit la voix d'Eva. Sa voix, tu n'entends pas? Il soulève le rideau de la tente. Elle est partie! Il veut s'élancer à sa poursuite. André le retient à bras-le-corps. Trop tard. Il lui montre un billet posé en évidence sur la coiffeuse de l'alcôve. Ce billet, là ou là. Philippe n'y touche pas. Il s'en saisit. Il lit tout bas. Adieu, chérie. Je suis heureuse. Merci pour les baisers. J'aurais dû deviner. André, tu la retrouveras. Je ne sais pas son nom. André. Il n'y a pas de nom sur ce billet, tais-toi. Ce n'est peut-être pas un malheur qui t'arrive, non, la mort seulement, l'asphyxie, les bêtudes. Ses yeux fixés sur le couvert, il y prend un raisin, le soulève, le regarde, et bas à mi-voix se souvenant, il dit, au goût aussi mort, ils sont bleus. Elle disait, la vie à deux doit être gaie. Elle disait, le téléphone sonne. Qu'il se taise pour Dieu! André, je réponds, non, c'est moi! Et dans l'appareil. C'est vous, Bergon? Ici le Mélier, oui, moi-même. Je suis au courant, oui, après. J'écoute, après! Pas de réactions encore, bien entendu. Non, surtout pas, ne bougez pas. Annulez mes ordres d'hier, je saute en avion, j'arrive, attendez-moi. Il raccroche. Prenant dans l'alcôve son manteau de ville et son chapeau, André lui dit, mauvais? Il ne répond pas. Mauvais. Il va falloir jouer serré, tu les connais. Je savais bien que les faiblesses du portier finiraient par nous coûter cher. On ne muselle pas un pareil adversaire avec des concessions. Il fallait être dur. André, mais on en sortira. Dis, on en sortira, Philippe. Parbleu. Ah, je te retrouve, Philippe. Occasion peut-être à bénir après tout de mettre au pas ces oiseaux-là. Je peux compter sur toi, en doutes-tu? Bataille! André joyeusement. Alors, nous y allons? 5 heures. Philippe bat tout seul. Elle disait. André, tu me prends avec toi? Tu me prends avec toi? Philippe! On part ensemble? Philippe, elle disait. Réponds! Philippe, suprême regard au décor, à la nuit et tout bas. Heureuse, tu verras. J'ai un charme. Mais brusquement. Avec effort se raidissant, secouant ses vapeurs de rêve et passant fraternellement le bras sous celui de son ami. Allons-y. Reprise vivace de l'orchestre là-bas qui annonce la fin de la fête. Les deux hommes s'éloignent rapidement, cependant que monte le jour et que redescend le rideau.